laisse-moi. Six courtes années derrière toi. Axel, Axel, épouse-moi. Je sais pourtant que tu seras à quelqu'un d'autre, que t'aimer est une faute. Mais tant de nuits, moi j'ai rêvé de toi. Passer les lois. Axel, Axel, reste là. Ma belle, épouse-moi. J'aime quand tu ris aux éclats. Axel, Axel, épouse-moi. Ton innocence de petite fille me fait craquer. Ton ingéniosité. Je voudrais te garder près de moi à jamais, en laissant la police nous juger. Ta personnalité naïve est à tomber, mais madame l'amour s'est trompé. Oublie les médisances et serre-moi fort contre ton corps. Je t'admirerai jusqu'à ma mort. Axel, Axel, épouse-moi. Axel, je ne suis plus dans tes bras. Axel, Axel, aide-moi. Les murs de prison sont froids.